petit poulet. Viens là, petit poulet. Je vais t'attraper. Mon petit poulet. Je vais mettre du sel sur ta queue. Tu pourras plus t'envoler. Petit poulet, je vais te mettre dans la machine. La machine. Quand elle t'arrachera les pattes, t'arrachera les plumes, t'arrachera le bec. Quand ta chair sera mélangée à celle de tes frères, quand tu reviendras au grand tout, au grand mystère, qu'auras-tu appris? Ta petite vie, à quoi aura-t-elle servi? Petit poulet, petit panier, petit poulet, petit panier. Oh, manifestant. Elle veut au gras.